septembre, les médias se sont une nouvelle fois emballés autour de mystérieux signaux captés dans l'espace, cette fois par le récent projet Breakthrough Listen, piloté par Stephen Hawking. Ce n'est ni la première, ni la dernière fois que nous nous prêtons collectivement à rêver avoir enfin perçu la signature d'une éventuelle civilisation extraterrestre. Parce que oui, après tout, c'est rageant. S'il y a 240 milliards d'étoiles dans notre galaxie et autant de planètes qui gravitent autour, pourquoi n'avons-nous toujours rencontré personne ? Cette question ne date pas d'hier, elle date de 1950 et c'est le physicien Enrico Fermi qui l'a posée. Extraterrestre, il est Fermi d'en douter, c'est l'excellent jeu de mots qui constitue le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour partir à la recherche des petits hommes verts, gris, bref, quelle que soit leur couleur putative, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Gabriel Chardin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, président du comité des très grandes infrastructures de recherche au CNRS, également Jean Duprat. Bonjour. Bonjour. Astrophysicien, directeur de recherche CNRS au Centre de sciences nucléaires et de sciences de la matière à Orsay. Vous avez tous les deux participé à cet ouvrage collectif « Où sont-ils les extraterrestres et le paradoxe de Fermi ?» C'est au CNRS édition. Vous pouvez bien entendu, comme d'habitude, nous suivre en direct sur le fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Mais avant de plonger dans l'écoute de ce vide intersidéral qui n'a pas l'air prêt à se taire, elle ne scrute pas l'espace mais les tréfonds de l'actualité scientifique de la semaine. Zoé Sfez pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. Le Journal des Sciences. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et on ouvre évidemment ce Journal des Sciences avec cette annonce qui a eu lieu lundi. Les détecteurs LIGO et Virgo ont détecté pour la première fois, le 17 août dernier, des ondes gravitationnelles issues de la fusion de deux étoiles à neutrons et non de la fusion de deux trous noirs comme c'était le cas pour les précédentes détections. Une détection absolument déterminante, à plus d'un titre, puisqu'en effet les étoiles à neutrons, ce sont des résidus, on pourrait même dire des cadavres d'étoiles, sorte d'agrégats de matière rejetée par une étoile après une supernova. On les appelle aussi pulsars, puisque c'est par la lumière pulsante qu'elles émettent en se déplaçant qu'on arrivait jusque-là à les voir. Moins massifs que les trous noirs, ces étoiles à neutrons sont plus lourdes que le Soleil, en l'occurrence 1,9 fois la masse du Soleil pour ces étoiles dont la fusion a été détectée. Et finalement, pouvoir regarder la fusion de deux d'entre elles marque un succès assez inouï pour Benoît Mours. Il est directeur de recherche au CNRS et c'est le responsable scientifique français de Virgo. Ce que nous avons observé en août, c'est le signal d'ondes gravitationnelles provenant de la fusion d'étoiles à neutrons. Alors, comment nous savons que ce sont des étoiles à neutrons? Ça, c'est en regardant l'évolution du signal. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles, à un moment, nous disent, là, il y a quelque chose qui se passe, et il y a une oscillation des longueurs, et cette oscillation va de plus en plus vite. Et en regardant la vitesse à laquelle elle évolue, on peut savoir quelles sont les masses des objets qui ont provoqué ces ondes gravitationnelles. Le 17 août, ce que ça nous a dit, c'est que les objets venaient de deux étoiles à neutrons. Ce n'étaient pas des trous noirs comme on en avait vu quelques-uns précédemment. C'était des objets plus légers que les trous noirs, malgré tout un peu plus lourds que le Soleil, puisque ça fait environ 1,4 fois la masse du Soleil. Et c'était d'abord la danse spiralante de deux objets l'un autour de l'autre qui se rapprochent et qui entrent en collision pour à la fin fusionner. C'est un succès parce que au bout de quelques semaines de prise de données, on arrive à avoir deux superbes détections. Nous avions eu 3 jours avant l'observation d'une fusion de deux trous noirs. Et là, nous avons l'observation de la fusion de deux étoiles à neutrons. Et contrairement aux trous noirs, il y a de la lumière qui est produite. Il y a des choses, il y a de la matière, et donc qui est observée par plusieurs télescopes. Il y a près de 70 instruments qui ont mené les observations. Et en effet, c'est ce qui fait le caractère exceptionnel de cette détection, puisque Benoît Mours vient de le dire, la source de ces ondes gravitationnelles ont été observées aussi par 70 autres observatoires sur Terre et dans l'espace. Et donc on a de très nombreuses observations et résultats qui se recoupent sur cet événement qu'est la fusion de deux étoiles à neutrons. Événement dont on savait, dont on se doutait plutôt, qu'il pouvait être à l'origine de plusieurs phénomènes encore un peu inexpliquées, comme les fameux sursauts gamma ou la production de métaux lourds en grande quantité dans l'espace. C'est vraiment l'avènement d'une astronomie dite multimessager, m'expliquait Arash Janatiattai. Il est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'astroparticules et de cosmologie. Et pour lui, cette détection représente une accélération inouïe dans la recherche en physique qui permet la confirmation de beaucoup de prédictions. Un des premiers points, ça a été la confirmation d'une théorie qui essaie d'expliquer ce qu'on appelle les sursauts gamma. Ce sont des phénomènes de flash de rayonnement gamma qui sont détectés par des satellites. Et en fait, l'origine de ces flashs gamma qui ont été découverts fin des années 60 par des satellites militaires américains restait sujet de débat. L'idée, c'était de pouvoir les expliquer par la fusion d'un couple d'étoiles à neutrons. Et vous voyez, là, la détection des ondes gravitationnelles en concomitance avec ce flash de rayon gamma, ça a été une découverte formidable, une confirmation formidable. Et il y a évidemment aussi le fait d'avoir mesuré en fait en optique, en infrarouge, le rayonnement qui a été produit dans les jours qui ont suivi cette fusion, a permis de détecter des traces de production d'or et de platine assez importantes. Hein. Il y a eu quelques dizaines de fois la masse de la Terre en or et en platine qui ont été produites dans cette explosion-là. Voilà, ça c'est encore une fois une confirmation cette fois-ci de ce qu'on pense pouvoir se passer lors de ces fusions et de l'éjection des débris qui en résultent. Dans l'espace, toujours, la découverte de galaxies en forme dite prolate, c'est-à-dire de gros cigares, une forme plutôt inhabituelle, puisque la plupart des galaxies, on le sait, sont des spirales, sont en tout cas des disques plats qui ressemblent à la rotation d'une roue autour de son axe central, mais il existe d'autres formes de galaxies, les elliptiques, les sphéroïdales, et donc celle-ci est la forme dite prolate, on en comptait seulement 12 à ce jour. L'Institut Max Planck en a découvert 8 nouvelles, suggérant qu'elle pourrait être beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Voilà, et en bref, la station spatiale chinoise Tiangong 1, palais céleste en chinois, va retomber sur Terre dans les prochains mois, d'ici fin 2017, début 2018. C'est ce qu'indiquent les autorités chinoises, puisque je rappelle que les ingénieurs chinois ont perdu les commandes de ce module expérimental en 2016. Mais ils indiquent qu'ils continuent de le surveiller de très près pour éviter au maximum les dégâts que pourrait causer sa chute sur Terre. Et en France, c'est les cinémas Gaumont-Pathé qui ont été choisis par Universcience pour reprendre la Géode. La Géode inaugurée il y a 32 ans, unique au monde avec sa grande sphère et son écran en rotonde. Gaumont va proposer des expériences différentes au public de la Géode, qui propose aujourd'hui essentiellement des documentaires et qui est déficitaire depuis 2010. Sachez qu'un nouveau site internet vous permet de vous balader virtuellement dans la grotte de Lascaux, un site où, depuis votre tablette ou même un téléphone mobile, vous pouvez passer de la ronde fantastique des taureaux à la scène du puits. La visite se fait par un film que vous pouvez pour vous attarder sur un panneau, une figure ou un détail. Et pour chaque dessin, on peut accéder à un commentaire détaillé et replacer l'œuvre dans son contexte qui a prévalu à sa création. C'était il y a près de 20 000 ans. Deuxième sujet cette semaine, un modèle animal inédit a été mis au point et va peut-être permettre d'accélérer radicalement la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Développé par des chercheurs du CEA, de l'INSERM, des universités Paris Sud et Paris Descartes, ce modèle qui s'applique à des rongeurs a pour grande qualité d'exprimer les deux caractéristiques biologiques de la maladie d'Alzheimer. Et donc, chez les rongeurs de ce modèle, la maladie se développe de manière très proche de celle dont elle se développe chez l'homme. Le but est de permettre à la fois, grâce à ce modèle, de tester des molécules qui seraient susceptibles de soigner la maladie et peut-être même de développer un test sanguin de diagnostic de la maladie bien avant que les premiers symptômes n'apparaissent. Cela pourrait faire la différence, explique Jérôme Bredeau. C'est le principal auteur de cette étude qui rappelle que jusqu'ici, toutes les molécules qui fonctionnent dans les tests animaux sur les rongeurs sont inefficaces sur l'homme parce que les modèles animaux sur lesquels elles ont été testées ne sont pas aujourd'hui pertinents. La première différence est notre capacité à produire les deux caractéristiques majeures de la maladie d'Alzheimer, à savoir la voie amyloïde et la voie tau, ce qui n'était pas possible avec les modèles actuels. La deuxième grande différence, c'est que les modèles qu'on utilisait actuellement, c'était des modèles génétiquement modifiés. Le problème, c'est que ces animaux développaient dès in utero, donc même avant la naissance, la production du neurotoxique associé à la maladie d'Alzheimer, ce qui ne représentait pas la pathologie même. Nous, dans notre système, on prend des animaux adultes et on leur induit la pathologie. Donc on est vraiment dans une dynamique, dans une progression qui est très similaire avec les patients. Finalement, on a laissé le temps à la pathologie de se développer dans notre animal, comme elle prend le temps de se développer chez les patients, ce qui n'était pas le cas avec les modèles actuels. Le modèle qu'on a développé permet de répondre, en tout cas d'ouvrir un champ d'investigation modélisé, donc de mimer les phases qui sont avant la pose du diagnostic actuel, donc pendant des phases où le patient est déjà malade, mais les lésions ne sont pas encore irréversibles, donc les déficits ne sont pas encore irréversibles. Donc on va donner une possibilité de regarder quel est l'effet des médicaments pendant cette phase, la maladie va pouvoir être traitée. Et en bref, un espoir dans le traitement de la sclérose en plaques, des lésions cérébrales caractéristiques de cette maladie auto-immune jugée irréversible aujourd'hui, ont pu être traitées pour la première fois grâce à un simple antihistaminique, un anti-allergène utilisé depuis 40 ans bientôt. Les chercheurs californiens indiquent que c'est la première fois qu'on arrive à inverser de telles lésions, mais réaffirment, rappellent qu'il ne s'agit pas d'un remède à la maladie. Et enfin, des chercheurs français pensent avoir trouvé une cause possible à la dyslexie, ce trouble de la lecture encore inexpliqué. Elle serait anatomique, cette cause, et elle se nicherait dans une minuscule zone des yeux, la fovéa. La fovéa serait dissymétrique chez les gens normaux qui ne sont pas atteints de dyslexie et parfaitement symétrique chez les dyslexiques, ce qui serait source de confusion pour le cerveau en créant des images miroirs entre lesquelles il serait impossible pour le cerveau de choisir. Et on passe maintenant pour terminer à notre rubrique adorée de les sciences improbables et nous rendons hommage aujourd'hui aux bouses de dinosaures qui ont largement contribué à fertiliser notre planète. En effet, en mesurant les concentrations élémentaires de charbon à travers tous les États-Unis, un chercheur américain spécialiste des dinosaures et des grands animaux a découvert que les éléments qui sont nécessaires aux plantes, le phosphore, étaient beaucoup plus abondants et beaucoup mieux distribués à l'époque des dinosaures que durant le Carbonifère. Et ce, évidemment, grâce aux fientes de nos amis les dinos. Les dinosaures et les grands animaux sont importants non pas pour la quantité du fumier qu'ils produisaient ou la qualité, mais pour leur capacité à parcourir de longues distances à travers les paysages, disséminant ainsi efficacement les nutriments qu'ils rejetaient. Merci à eux. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Si l'homme est un alien comme les autres, comme l'écrit Laurent Genefort, mais alors où sont donc les autres ? Ou s'il existe des civilisations extraterrestres, pourquoi ne les a-t-on pas encore rencontrés ? Telle est la question que se posait en 1950 Enrico Fermi, prix Nobel de physique, père de la première réaction en chaîne nucléaire qui conduira plus malin que bon an d'ailleurs à la bombe atomique, et question qui n'a toujours pas trouvé de réponse 70 ans après, mais qui a suscité beaucoup de réflexions et un certain nombre d'hypothèses que nos deux invités, Gabriel Chardin et Jean Duprat, examinent dans ce livre « Où sont-ils les extraterrestres et le paradoxe de Fermi » aux éditions du CNRS. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous aussi, votre cœur chavire à la moindre annonce d'un nouveau signal capté dans l'espace, comme cette récente série de signaux rapportés par le programme Breakthrough Listen de Stephen Hawking que j'évoquais en tout début d'émission. Gabriel Chardin. Pas trop, non. Parce qu'en fait, il y a eu tellement d'annonces sensationnelles. Il y en a une quand même qui reste le signal « wow ». Peut-être reste quand même quelque chose de vraiment pas trop expliqué. Récemment, il y a des gens qui ont proposé une explication. Mais voilà, bon, de toute façon, c'est intéressant. Et si on récupérait des signaux structurés. D'ailleurs, dans le paradoxe de Fermi, il y a pas mal de réflexions sur comment on pourrait reconnaître de l'intelligence. Si on vient dans les années 60, il y a eu la découverte des pulsars. Je ne sais plus de Jocelyn Bell exactement quelle année c'était. Mais... Donc des signaux très réguliers dans l'espace. Trop réguliers d'une certaine façon parce qu'évidemment, ils signalent un objet qui tourne sur lui-même, quoi, finalement. Mais si on voulait avoir... un signal qui vient de l'univers et dont on pourrait se dire « ça, c'est la signature de la vie », quelles caractéristiques aurait-il ? Et les propositions tournent généralement autour de théorèmes mathématiques, c'est-à-dire de la structure non triviale, justement pas un truc bip, bip, bip, bip, bip, extrêmement régulier, mais quelque chose qui montrerait qu'il y a de l'intelligence derrière. Qui ressemblerait à ce que nous avons tenté d'envoyer à plusieurs reprises dans l'espace. Peut-être, mais on discutera si de ça. Ça, c'est une autre question. Jean Duprat, sur ces signaux, parce qu'on parle de cette série de signaux là repérés récemment, mais il y a des candidats, ce qu'on appelle des candidats SETI, en moyenne tous les 3 ans. Est-ce qu'à chaque fois, il y a un petit espoir qui naît, ou est-ce que finalement, au contraire, maintenant, on a un peu baissé les bras en se disant « encore un ». un de plus? Oh non, je crois que ça dépend réellement en fait du tempérament de chaque scientifique qui a, comme tout un chacun, son tempérament, soit assez exubérant et optimiste, soit beaucoup plus mesuré et prudent. Et chacun réagit à sa façon à ces signaux, et nous pareil en fait. Il y a en fait, on peut aussi retracer les annonces ou les espoirs de est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'il y aurait une autre forme de vie dans l'univers à d'autres signaux. Il y a donc les signaux qu'on regarde dans l'espace. Il y a aussi une très très longue quête, lorsqu'on étudie la matière extraterrestre, de regarder dans la matière extraterrestre, est-ce que il y aurait des signes de quelque chose de plus compliqué que les molécules carbonées, à partir desquelles nous avons été formés, mais qui ne sont pas la vie, mais de voir est-ce qu'il y aurait carrément des organismes ou des virus ou des choses comme ça. Il y a eu des annonces au cours des décennies, mais même on peut presque remonter jusqu'au début de l'étude des météorites où la question se posait. Quelqu'un comme Otto Hahn, par exemple, lorsqu'il analysait les coupes des météorites, il était absolument convaincu de reconnaître dedans des fossiles, des coraux, des... Et il s'est avéré après coup que les gens qui ont réétudié ça de façon plus précise se sont rendus compte que c'était absolument pas, ça n'avait vraiment rien à voir avec la vie. C'était des structures qui d'ailleurs sont extrêmement intéressantes pour nous. D'ailleurs, elles nous apprennent beaucoup de choses sur la naissance du système solaire, ces petites billes de silicate qu'on appelle des chondres. Mais là, il y a quelque chose qui est assez normal, finalement, dans la façon dont on aborde une question qui est très, très vaste, qui est d'ailleurs pas vocation. Souvent, on n'a pas vocation à y répondre au sens, est-ce qu'il y a de la vie dans l'univers? Les gens qui travaillent, par exemple, moi, je ne travaille pas réellement là-dessus. On travaille sur la matière extraterrestre. On sait que c'est le cadre très général de cette question. Donc là, par exemple, pour le cas de Otto Hahn, qui est assez joli, en fait, les gens qui ont ensuite étudié les structures qu'il décrivait ont compris que c'était des minéraux et que ça n'avait rien à voir avec la vie. Et très souvent, en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que on observe des choses qu'on comprend pas vraiment. Et puis, de temps en temps, un scientifique ou quelqu'un comme Otto Hahn, qui n'était pas réellement en fait un scientifique, a cet espoir que peut-être qu'en fait, c'est le signe qu'il y a quelque chose d'autre. Et ensuite, après, ça ne résiste pas à l'analyse critique. Et c'est normal. Donc, moi, je ne suis pas particulièrement optimiste. J'aurais un peu une position assez semblable à celle de Gabriel. C'est-à-dire, on regardera les choses, en fait, au départ, avec quand même un peu de prudence. Oui, Gabriel Chardin. Disons, on a pour le moment probablement pas les moyens d'écouter très loin. En tout cas, si on regarde ce que nous, on produit, par exemple, donc des émissions radio ou même les quelques rares où on a vraiment émis pas mal d'énergie, ou alors les radars d'aéroports, les radars militaires qui sont des émissions focalisées, on n'est pas encore capable d'écouter typiquement au-delà d'une étoile, ou même pas d'ailleurs, je crois. C'est dans une vingtaine d'années qu'on aura un projet Square Kilometer Array qui devrait avoir la possibilité d'écouter typiquement 100 000 étoiles, 100 000 systèmes solaires. Ce qui est encore très très faible, on a dit, par rapport à tout à l'heure, c'est le millionième, même pas, de la galaxie. S'il y a peut-être une seule constante dans cette observation, dans cette quête d'un signe, d'une trace interstellaire d'une existence extraterrestre, c'est que le postulat d'une réponse extraterrestre doit toujours être le dernier à être examiné. Jean Duprat. Oui, c'est-à-dire que... Ou envisager, en tout cas. On peut, on peut pas, je pense que on peut bien sûr pas empêcher, et on aurait tort de le faire, les scientifiques ou la scientifique qui étudie le problème d'avoir ce rêve ou cette... Par contre, lorsque l'hypothèse va être sur la table, là, par contre, effectivement, c'est l'hypothèse pour laquelle la plus grande prudence doit être de mise. Par exemple, enfin, je reviens sur cet exemple, sur ces exemples, mais qui sont très très multiples et qui vont continuer. C'est-à-dire que de la même façon que probablement, donc là, il y a eu plusieurs annonces récentes de possibilité d'un signal. De la même façon, la possibilité de trouver de la vie extraterrestre qui tomberait, qui aurait ensemencé la Terre ou d'autres planètes, il y en a eu ces dernières décennies. Il y en aura encore, et c'est après tout assez normal au sens. Après, il faut voir si ça résiste. Et jusqu'à maintenant, donc, ça n'a jamais résisté. Et alors, ce qu'on pourrait se dire avec ça, c'est on pourrait se dire, oui, bon, ça n'a jamais résisté, mais un jour, on va trouver ça. Bon, mais ça, c'est une croyance. C'est pas un fait scientifique. Et l'autre point qu'on peut dire quand même par rapport à ça, c'est qu'on a progressé. Entre le moment où on a analysé les premières matières extraterrestres, d'abord qu'on a identifié que c'était bien la matière extraterrestre, puis ensuite qu'on a regardé cette matière extraterrestre et qu'on a identifié à l'intérieur de cette matière extraterrestre quels étaient les objets qui étaient susceptibles, si jamais la vie se transportait dans le système solaire, elle peut pas se transporter dans n'importe quel type d'objet. C'est-à-dire, par exemple, il y a des objets qui sont très primitifs. Si on pense à ce concept, qui est donc le concept de panspermie, qui serait le fait que... Donc, il y a deux catégories pour la vie, catégorie au sens de deux idées. C'est soit la vie émerge sur les planètes à partir de non-vivants. Donc, on pourra peut-être y revenir après, mais sur quel est le stade de complexité moléculaire qu'on peut atteindre dans l'espace, ça, on a des connaissances assez précises là-dessus. Et puis, il y a une autre idée qui est, on fait carrément la vie à plusieurs endroits, ou en tout cas à un endroit, et on la déplace avec des corps. Donc, principalement, les corps auxquels on peut penser là, c'est des petits corps, des astéroïdes, des comètes, qui transporteraient des virus, voire même des organismes plus complexes. Donc ça, c'est une idée qui est très ancienne. On a quand même des réponses à ça, au sens où, non pas que... pour l'instant, on n'en a jamais vu, mais... Il y a eu ces objets, donc les météorites primitives, ont été très étudiés. Si jamais la vie se transportait de planète en planète de façon tout à fait générique, et que par ces objets-là, c'est-à-dire qu'en gros ces objets-là contiendraient plein de virus, plein d'organismes, on l'aurait vu depuis longtemps. Ce n'est pas le cas. Du matériel précurseur. Voilà, du matériel précurseur. On a étudié ces objets. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Peut-être il suffit d'un seul qu'on n'aurait pas vu là. Mais en tout cas, de façon générique, ça c'est très clair, il n'y a pas ça. Voilà. Donc là, quand même, on progresse dans nos connaissances. Alors, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Pas à l'abri au sens, ça peut être une bonne surprise. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, c'est... Tout le problème dans cette matière, et vous l'avez prononcé à l'instant, Jean Dubras, c'est évidemment de trier le bon gré de l'ivraie et les croyances de vérité scientifique établies, ce que nous allons essayer de faire au cours de cette heure, et surtout d'aller dans ce que vous notez dans cet ouvrage collectif avec vos collègues, contre ce présupposé statistique de bon sens qui dit mais 240 milliards juste pour la Voie lactée, donc pour notre galaxie, ça veut dire combien encore, et la question est toujours ouverte, du nombre d'étoiles dans l'univers entier, forcément, statistiquement, on ne peut pas être les seuls, ça ne résiste pas au bon sens. Où est-ce que c'est une croyance, précisément, Gabriel Chardin ? Alors, c'est encore une croyance, mais c'est vrai qu'on se rapproche. On pourra peut-être parler de l'équation de Drake, qui est une fausse équation, qui n'est pas une vraie équation, mais qui essaye, par une série de 7 facteurs, d'estimer de façon grossière le nombre de civilisations qui peuvent arriver à communiquer. Donc, du point de vue des planètes, des exoplanètes, maintenant, on en a des milliers. Je sais plus, on se rapproche de 5000, je crois. Identifiés, parce qu'il y a encore plus de candidats et ça accélère, ça va assez vite. Ça dépend un peu des satellites qu'on lance ou des expériences dédiées, mais disons, c'est probablement une ou deux par jour, quelque chose comme ça actuellement. Donc par rapport aux 240 milliards d'étoiles dont on parlait tout à l'heure dans la Voie lactée, c'est probablement plus encore de planètes. À l'intérieur de ces planètes, il y a quand même pas mal, probablement, à nouveau, on parle en probabilité, mais on voit déjà quelques centaines, je ne sais plus combien, de super-terres, donc des objets. Au début, on voyait des Jupiters, parce que c'est plus facile, c'est plus gros, etc. C'est des sortes de petites étoiles avortées. Maintenant, on voit des super-terres et on voit même des objets qui ressemblent pas mal à la Terre. En nombre faible encore, parce qu'elles sont petites, elles sont plus proches de l'étoile. Pas toujours, d'ailleurs. Et donc, après, il y a la notion d'habitabilité dans le système solaire. Au moins pendant une certaine fraction de la durée de vie du système solaire. Et là, il n'y a pas non plus de signaux très, très inquiétants. Il y a peut-être des facteurs un peu exceptionnels. Jean pourra en parler, enfin, dans le balayage du système solaire par les gros corps qui dégagent un peu tout ce qui passe, qui les absorbe ou qui les éjecte. Ou alors dans la stabilisation des orbites, par exemple. Apparemment, notre Lune joue un rôle stabilisateur pour ne pas avoir des phases catastrophiques où on a une partie gelée, une partie brûlée de la planète quand elle, si elle, jamais elle s'aligne un peu avec le Soleil, son axe de rotation. Il y a que la zone juste à la frontière du crépuscule, quoi, qui est pas brûlée. Voilà. Donc il pourrait y avoir. C'est le cas de Mercure, hein, arrêtez-moi si je me trompe. Alors Mercure est la plus proche du Soleil et il fait probablement assez chaud. je vous confirme. Sur cette intuition statistique de se dire face à un tel nombre d'étoiles et donc de systèmes potentiels, statistiquement il est probable. On parle de probabilité que la vie ne soit pas apparue qu'une seule fois ici sur Terre. C'est ce qui intéresse dans le système solaire. On en parlera tout à l'heure. Mais votre collègue Mathieu Hageloup explique, et je trouve ça intéressant, que Fermi était justement très doué à la quantification, qui posait par exemple cet exemple du nombre d'accordeurs de piano à Paris, comment le calculer intuitivement. Eh bien, c'est ce genre d'intuition statistique qui l'amène à postuler son paradoxe. Jean Duprat. La question qui est posée. On peut la résumer aussi au fait, est-ce que notre situation, notre planète et le type de vie qui s'y est développé, est-ce que c'est générique ou est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ou est-ce que c'est quelque chose de totalement exceptionnel, de singulier ? Et là, du point de vue des planètes, ce que disait Gabriel, c'est-à-dire on voit qu'il y a donc... On savait avant que très probablement autour des autres étoiles il y avait des planètes. Là maintenant on les voit. Alors au début effectivement la surprise a été de voir surtout des Jupiters chauds, mais là maintenant on en voit de plus en plus et on commence à voir effectivement des planètes qui commencent à ressembler à la Terre. Et une petite remarque par rapport à cette notion. Donc évidemment ce qu'on a en tête là c'est la notion qu'a dit Gabriel avant, c'est la notion d'habitabilité, d'avoir des corps où, raisonnablement, on peut penser qu'il y a des températures, des pressions qui sont compatibles avec ce qu'on envisage pour la vie. C'est-à-dire ni Mercure, ni Neptune. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le syndrome boucle d'or. La soupe doit être ni trop chaude, ni trop froide, mais juste à la bonne température. De l'eau liquide en particulier. Voilà, et de l'eau liquide. Alors ça, c'est assez important. Hein. La molécule d'eau... Alors oui, après, on peut revenir sur des contraintes qui sont des contraintes plus profondes, plus profondes au sens où l'univers... il est vaste, sans doute il y a des mondes qui sont extraordinairement différents d'une autre. En revanche, il est constitué des mêmes éléments. Et les éléments lourds, qui sont a priori donc nécessaires pour en tout cas que la vie émerge, a priori, on a quand même tendance à penser, alors on peut envisager des vies radicalement différentes de la nôtre, mais dans un premier temps, si jamais on veut progresser, après c'est toujours pareil, on peut rêver, mais si jamais on essaye de progresser avec des contraintes scientifiques, alors à ce moment-là, il faut partir de ce qu'on connaît. Et là, a priori, c'est quand même la chimie du carbone qui... Bon, nous sommes bâtis sur la chimie du carbone, mais c'est pas seulement pour cette raison-là. C'est que si on observe l'univers, on voit bien que partout dans l'univers, dans les milieux diffus, mais dans ce qu'on appelle les nuages denses, c'est-à-dire les zones dans lesquelles se forment les étoiles, puis les planètes, ces zones-là contiennent énormément de molécules carbonées, de plus en plus complexes. Plus les phases sont froides, plus cette chimie émerge de plus en plus avec des molécules de plus en plus complexes. Donc on voit ça. Donc il y a toutes les raisons de penser, effectivement, que ces molécules-là forment non seulement forment les corps après les planètes, mais se déposent sur les planètes. Et que donc, de ce point de vue-là, revenir sur ce que disait Gabriel avant, il ne semble pas, à l'heure actuelle, qu'il y ait de facteurs limitants de ce côté-là. L'autre chose, c'est que la notion d'habitabilité, quand bien même nous ne trouverions pas une planète ou des planètes à peu près similaires à la Terre, ça, c'est peut-être pas une condition qui est si limitante que ça, parce qu'on peut très bien envisager... Par exemple, les planètes géantes se forment de façon un peu différente des planètes telluriques, rocheuses comme la Terre, puisqu'elles sont beaucoup plus grosses et donc elles sont suffisamment massives pour aspirer le gaz du disque qui entourait la jeune étoile. Donc c'est la raison pour laquelle elles ont tout un cortège de satellites. Dans ces satellites, il y a des objets qui ont des atmosphères et qui peuvent atteindre des conditions de température et de pression qui sont différentes de celles de la Terre, mais qui ne sont pas non plus... par exemple, on pense que il y a des satellites dans le système solaire où il y a des océans d'eau liquide en profondeur. Bon. La fin de la mission Cassini vient nous rappeler que Encelade était peut-être une candidate à une vie Europa autour de Jupiter. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, si jamais on raisonne sur qu'est-ce qui est générique, qu'est-ce qui serait singulier, le fait d'avoir des objets de relativement petite taille, avec de l'eau sous ces trois formes, disons glacée, liquide, gazeuse, et en tout cas une phase liquide stable, il doit y avoir pas mal d'endroits. Ça paraît pas du tout limitant. De la même façon, les molécules carbonées qui sont sur la base du squelette de la vie, celles-là, elles sont partout. Donc, elles tombent sur ces corps-là, elles forment ces corps-là, donc elles sont là. Si jamais il devait y avoir un facteur limitant, il est probablement pas là. Question, est-ce que, et puis c'est vrai au niveau moléculaire dans notre conception de la vie, ce que vous venez de dire Jean Duprat, mais c'est vrai au niveau plus large, est-ce que il n'est pas très compliqué de sortir de ce biais cognitif de l'anthropomorphisme quand on pense à une autre forme d'existence extraterrestre, qu'elle soit du niveau du micro-organisme sur une base carbonée, ou plus généralement sur des signaux, sur des recherches de signaux qui correspondraient à une forme d'intelligence telle que nous la concevons être humain, Gabriel Chardin? Alors sur la chimie, je pense que comme Jean l'a dit, à un moment donné, on a envisagé de la vie silicium. Et en fait, la forme oxydée du silicium, c'est le sable. Et le sable, c'est quand même difficile à modifier. Ça résiste bien. On le voit pour fabriquer le silicium, par exemple, tout le coût énergétique ou du verre. Donc, il semble que si on cherche de la vie, en tout cas la vie primaire, on pourra revenir sur cette notion après, c'est très probablement de la vie carbonée. L'anthropomorphisme, on sait, les dinosaures, ils ont duré pendant 5 millions d'années, et ils ont à peu près dominé la Terre sur cette période-là, et ils nous ressemblaient pas tellement. Enfin, il y a des... on a quand même des ancêtres communs, donc il y a des yeux, des pattes, on est des mammifères ou des ovipares, il y a quand même des caractères avec des ancêtres extrêmement communs qui sont probablement venus, on a parlé de l'eau liquide comme un facteur très important, des océans qui petit à petit en sont sortis et se sont développés. Après, il y avait une deuxième question au-delà de la chimie carbonée. C'était sur le type de signaux ou le type de message que l'on pourrait rechercher. Là, effectivement, il faut être très très prudent. Je pense que pas mal de gens y ont réfléchi. Tout à l'heure, j'ai parlé des mathématiques. Si on voit par exemple, si on se met à écouter une symphonie de Beethoven, on va quand même se douter. Ça arrive dans l'ouvrage de Black Cloud de Fred Hoyle. À un moment donné, il y a, je crois que c'est un quatuor de Beethoven, et c'est le nuage extraterrestre qui écoute ça et qui dit qu'il voudrait le repasser un petit peu plus vite. Il n'est pas tout à fait d'accord avec le tempo. Voilà. Donc, ces formes très structurées d'informations, on reconnaîtrait probablement la vie, parce qu'on verrait à la fois répétition et message. Et puis, par contre, on pourrait avoir des choses incroyablement différentes de nous, effectivement. Depuis leur arrivée, aucun contact n'a encore été établi avec les 29 vaisseaux qui survolent actuellement les principales villes de la planète. Je t'en prie, Ryan, réponds-moi. Ici, les rues sont bondées. Beaucoup de gens tentent de fuir. De leur imposante masse, ces vaisseaux ont provoqué une onde de choc autour des villes de New York et de Los Angeles. Selon le NORAD, les chasseurs qui ont été envoyés à la rencontre de ces vaisseaux spatiaux ont tous subi une défaillance de leurs systèmes électriques. Surtout, n'ayez pas peur. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous vous prions d'accepter nos excuses. Nous sommes sincèrement désolés de toute l'agitation provoquée par notre arrivée. Nous vivons là un moment historique. Jusqu'à aujourd'hui, nous pensions être la seule forme de vie intelligente dans tout l'univers. C'est une grande joie pour nous de constater que nous ne sommes pas seuls. Je m'appelle Anna, et je suis la guide suprême de mon peuple. Nous sommes ravis de vous rencontrer et sollicitons votre aide. Nous sommes loin de chez nous et nous avons grand besoin d'eau et de minéraux pour survivre. Ces éléments sont facilement disponibles et abondants sur la Terre. Quand nous nous serons ravitaillés et aurons partagé avec vous notre savoir, Alors nous partirons en laissant derrière nous un monde meilleur qu'il ne l'était à notre arrivée. Nous avons grand hâte de mieux vous connaître. Dans les heures qui viennent, nous entrerons en contact avec vos principaux dirigeants. N'ayez aucune crainte. Nous venons en paix. Toujours. Voilà, ça c'est pour le scénario inverse, hein, quand des extraterrestres aux intentions douteuses viendront nous faire un petit coucou en dissimulant leur plan machiavélique sous des tours pacifistes, puisque c'était un extrait de la série V, Les Visiteurs d'Observation de 2009. Alors nous examinons des scénarios un peu plus crédibles, un peu plus réalistes, ou en tout cas qui résistent un peu mieux à l'examen scientifique. Nous en parlons avec Gabriel Chardin, qui est physicien, président du comité des très grandes infrastructures de recherche au CNRS, et Jean Duprat, astrophysicien, directeur de recherche CNRS au Centre de sciences nucléaires et de sciences de la matière à Orsay, qui ont tous deux participé à ce livre publié au CNRS Éditions, Où sont-ils ? Les extraterrestres et le paradoxe de Fermi. Alors, le paradoxe de Fermi qui dit, hein, bon, encore une fois, on en parle depuis le début de l'émission, pourquoi ne les avons-nous pas rencontrés ? Il y a trois grands types de réponses, hein, qu'on a un peu examinées rapidement. Soit nous sommes seuls, bon voilà, c'est comme ça, pas de bol. Soit il y en a d'autres, mais pour une raison qui reste à déterminer, nous ne sommes pas encore entrés en contact avec elles. Ou il y a déjà eu contact, mais nous n'en avons pas encore conscience. Et il y a une autre possibilité qui est plus pessimiste et qui vous séduit, Gabriel Chardin, c'est que, en fait, nous ne pourrons peut-être jamais entrer en contact avec personne parce que, finalement, il y a une sorte de point de rupture technologique, c'est-à-dire que toute civilisation qui atteint un certain stade d'avancement finit par s'autodétruire. C'est le scénario optimiste. Assez pessimiste, mais je crois elle me séduit pas. Elle me semble une hypothèse à étudier sérieusement parce que on peut voir la tension, par exemple, sur le système Terre est à peu près 100 000 fois plus grande que au moment de début de l'agriculture. Et donc, on est dans une période réellement, depuis 200 ans, hein, c'est-à-dire un flash à l'échelle cosmique, dans une situation totalement exceptionnelle. Au début des années 60, je crois que c'était 90% des chercheurs de toute l'humanité étaient encore vivants. Donc ça, c'est un signe, ce qui n'est plus le cas déjà. C'est-à-dire que on est plus dans un régime permanent, dans un régime qui probablement commence à saturer. Et ça veut dire qu'on est vraiment à une époque exceptionnelle d'exponentielle, de croissance exponentielle qui, comme tout exponentiel, ne peut pas durer longtemps. On fait un petit calcul, je fais un petit calcul dans le livre, sur une croissance à 2% qui paraît vraiment très anodine. Au bout de combien de temps on bouffe toutes les ressources non seulement de la Terre, mais de tout l'univers observable. Et ça, c'est à 10% près, 5500 ans. C'est-à-dire ridicule au niveau de l'échelle cosmique. La durée de l'univers, elle est assez bien connue, c'est 14 milliards d'années. L'âge de la Terre, 4,35, je crois, je sais pas, ou du système solaire, Jean pourra me corriger parce qu'il connaît ça mieux que moi. Mais c'est l'ordre de grandeur. Et donc, 5500 ans, c'est vraiment un flash, quoi. C'est rien. Il y a par ailleurs aussi, effectivement, outre cet éventuel point de rupture technologique ou d'effondrement d'une civilisation en fonction de son niveau d'avancement, il y a aussi un problème d'échelle, peut-être tout simple, Jean Duprat. On le disait, vous l'évoquiez tout à l'heure, Gabriel Chardin, les premiers programmes radio émis en Angleterre au début du XXe siècle n'ont pas encore franchi, si mes informations sont bonnes, les 100 années-lumière. Donc ça veut dire qu'on va très très peu loin. C'est-à-dire que la chance, la probabilité d'être dans la même région, suffisamment près, au même niveau d'avancement, voire un peu plus au même moment, là, pour le coup, les probabilités sont en chute libre. Oui, ça, c'est très clair. Le moment, donc si on regarde l'histoire de notre planète, donc notre planète est une planète qui est, en fait, très vieille. Plus de 4 milliards d'années, 4 milliards 5. Et elle ne commence à émettre des signaux vers l'espace au sens intentionnel, hein, au sens technologique, que, en gros, depuis une centaine d'années, un peu plus. Donc, ces signaux voyagent à une certaine vitesse, et c'est donc maximum vitesse de la lumière. Et donc ça fait une bulle autour de notre système solaire, une bulle qui fait une centaine d'années-lumière. C'est la bulle informationnelle. La bulle informationnelle. Et ça, c'est tout petit. Et en plus, alors il y a une autre chose par rapport à ça, c'est que tout au début, lorsqu'on commence à émettre des ondes radio, on peut les émettre tout autour du système solaire, en dépensant, c'est-à-dire ça coûte pas mal d'énergie de faire ça. Mais très rapidement, si on constate, on regarde ce qui se passe là, en fait, on arrête de faire ça, parce que ça coûte trop d'énergie. Et en fait, si vous écoutez la radio, il y a beaucoup d'entre nous, on n'écoute plus la radio par des ondes, elle passe par des fibres. Et donc ça veut dire, parce qu'il y a une raison à ça, c'est que c'est beaucoup plus économique d'envoyer un signal dirigé que d'arroser tout. Il vaut mieux arroser spécifiquement les plates-bandes que tout le jardin. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que notre planète, qui a été un peu bruyante, en fait, redevient progressivement silencieuse. Donc déjà, première chose, c'est cette bulle informationnelle, c'est peut-être même qu'une coquille, qui est très, finalement une pellicule assez fine, qui s'étend, et le signal en plus diminuant, on a peu de chances de le détecter. Donc là, on a un peu l'image comme d'une petite lumière qui s'allume et qui, en fait, après s'éteint. Alors après, la question de qu'elle s'éteigne, donc elle peut s'éteindre parce que la planète, comme je viens de le dire, devient silencieuse technologiquement, parce que c'est plus intéressant d'envoyer des signaux qui sont très dirigés. De ce point de vue-là, d'ailleurs, Roland le décrit dans le livre. Roland Lehoucq le décrit dans le livre. Il se pourrait parfaitement, on pourrait envisager qu'il y ait des communications assez intenses à l'échelle de la galaxie, très dirigées. Si elles sont très très dirigées d'un point à un autre, on a très très peu de chances de les voir. Bon. Et puis, alors l'autre chose qui est considérée dans le livre et qui, à mon avis, là, je vais rejoindre Gabriel là-dessus, c'est je crois qu'il s'agit vraiment pas là de pessimisme ou de misanthropie. Moi, j'aime énormément l'espèce humaine. J'ai une admiration immense pour les réalisations de l'espèce humaine. Bon, d'un autre côté, on a fait des choses absolument formidables. On constate aussi que nous sommes une espèce qui n'est pas nous n'avons pas toujours une grande facilité à nous contrôler. Et nous n'avons pas non plus une grande facilité à réfléchir. C'est-à-dire, nous pouvons réfléchir à long terme. Il y a pas mal de gens, il y a pas mal de problèmes. La plupart des problèmes, d'ailleurs, sont réfléchis à long terme par des gens. Par contre, notre capacité à mettre en œuvre des solutions à ces problèmes à long terme, ça, par contre, de temps en temps, nous le faisons, mais quand même, dans la majorité des cas, c'est pas cette option-là qui est prise. Et donc, de ce point de vue-là, le paradoxe de Fermi pose, c'est-à-dire le fait que, donc, le dernier terme, c'est-à-dire la longueur pendant laquelle, le temps pendant lequel une civilisation technologique est susceptible soit d'envoyer des signaux, soit de tenter de communiquer, soit de tenter de sortir de son habitat et de voyager. Il est possible que ce temps soit court, que le système par exemple, le système de l'humanité soit un système qui soit, en fait, à partir du moment où on atteint le niveau technologique, qui soit un système très instable. Et ça, c'est une chose. Alors bien sûr, c'est un peu pessimiste d'y penser, mais c'est une chose qui mérite d'être considérée quand même, parce que on a pas mal de preuves. Alors on peut dire que là, ça renvoie aussi à nos peurs, mais des peurs qui sont assez légitimes. C'est-à-dire, on prend les années 70, enfin, les premiers... Je me souviens très très bien du livre d'Hubert Reeves, parce que c'est ça qui a marqué toute ma génération, quand il décrivait le fait que peut-être qu'en fait, il y a un hiver nucléaire qui peut s'annoncer, qui ne détruira pas, là, d'ailleurs, de ce point de vue-là, il faut être assez précis là-dessus, ça détruit pas forcément, d'ailleurs probablement pas, toute forme de vie sur la planète. C'est juste que par contre, ça la réduit considérablement. Voilà. Et la biodiversité risque d'en prendre un petit coup. Risque d'en prendre un petit coup et on va prendre du retard sur... Donc ça, c'est un risque. L'autre risque, c'est celui que décrivait Gabriel avant, c'est-à-dire l'épuisement énergétique. Voilà. Et le fait de rendre une planète de moins en moins habitable. Et ces questions-là, mérite d'être posé parce que nous n'avons pas de solution pour l'instant claire à ces problèmes-là. Est-ce que l'une des pistes pourrait être, au lieu de chercher des traces de vie, de chercher l'inverse, ce qui a déjà été fait d'ailleurs, c'est-à-dire de chercher des traces de mort, de chercher des traces d'une civilisation éteinte, Gabriel Chardin? Alors ça, c'est quand même assez difficile. Conceptuellement. Oui, conceptuellement, et puis... Si on regarde, par exemple, il y a une estimation de la durée de vie des civilisations. Je cite dans le livre qui a fait l'étude, mais typiquement, donc, on a devant nous un certain nombre de civilisations dont on voit, sans nécessairement les comprendre d'ailleurs, comment ils ont accédé, un certain nombre de réalisations technologiques. Et ces civilisations disparaissent. Par exemple, les Étrusques, on connaît pas un peu de choses. Certaines civilisations sud-américaines, on voit ces civilisations et ça a l'air d'être de l'ordre de 200 ans, 300 ans, quoi, la durée de vie moyenne. Si on regarde celles que l'on voit, on les voit pas toujours. Hein. Par exemple, même les très très grosses réalisations, comme les pyramides, eh ben vous voyez qu'elles se dégradent quand même déjà pas mal et dans quelques milliers d'années, on les verra plus. Donc voir des artefacts, c'est possible, mais il faut aller en général sur place pour voir des fossiles. Ce qui se conserve bien, c'est ce qui se prend dans la pierre et qui garde la forme initiale. Mais après, il faut aller scier, il faut aller voir à l'intérieur. Ce que disait Jean tout à l'heure avec les chondrites, ce que faisait Otto Hahn, il fait des tranches et il regarde à l'intérieur. Et ça, c'est difficile d'accès. On ne le voit pas de l'extérieur. Donc probablement, on aurait du mal à voir, sauf à voir, alors ça c'était un critère de quelqu'un dont on parle aussi dans le livre, qui est Kardashev, Nikolai Kardashev. Qui a établi une échelle. Une sorte d'échelle de puissance. En fonction de la consommation énergétique d'une civilisation. Consommation énergétique et maîtrise. Donc il y a d'abord l'échelle 1, c'est la planète, ensuite l'étoile et ensuite la galaxie, pour simplifier. Et à chaque fois, il y a à peu près un facteur 1 milliard entre les échelles 1, 2 et 3. Déjà, l'échelle 1, bon, on n'est plus très loin, mais on n'est quand même pas, on ne sait pas bien utiliser. On gaspille un peu ce qui est juste dans la zone critique, une zone très, très fragile à la surface de la Terre. Et on ne sait pas encore bien utiliser toutes les ressources terrestres. Et justement, on a un laps de temps probablement assez bref, parce que si on gaspille ce qu'il y a à la surface, après, on n'aura plus les ressources pour aller chercher ce qui est en profondeur. Et probablement, on va retomber dans cette trappe malthusienne, c'est-à-dire cette oscillation. Moyen-Âge, les gens n'avaient pas du tout notre perception de progrès. C'est récent, la notion de progrès, de transformation, que on va avoir demain un iPhone ou je sais pas quoi, qui va être mieux. La plupart de l'humanité a pas du tout vu ça. Et il y avait des années froides, des années chaudes, des années catastrophiques, des années plutôt bonnes. Voilà, mais il n'y avait pas cette notion de progrès. Et elle peut très bien se rééteindre aussi. C'est-à-dire que le découragement peut revenir parce qu'il y a des grosses catastrophes, parce qu'il y a des remises à zéro. Remise à zéro qui arrive tous les 100 millions d'années, c'est les énormes météorites qui arrivent. D'ailleurs, en parlant de remise à zéro, il y a une autre hypothèse, hein, qui est celle des sursauts gamma, c'est de se dire que finalement, on va pas très très loin en termes d'avancement civilisationnel parce que régulièrement, toute forme de vie est balayée, ou en tout cas 90 ou 95 ou 99%, vous y croyez pas trop? À cause de gros flashs gamma qui éteindraient. Alors, c'est pas tellement les gamma, parce que les gamma, dès qu'il y a une atmosphère, ils vont être arrêtés par l'atmosphère. Ils vont faire un petit flash électromagnétique qui va peut-être faire des petites perturbations comme ferait une bombe nucléaire. Mais non, ce qui peut être gênant, c'est les explosions de supernovae avec les neutrinos, paradoxalement. Parce que les neutrinos, ils passent au travers de tout, mais de temps en temps, ils font des fragments ionisants. Et si on a une supernova assez proche, on pourra avoir des mutations massives, voire même oblitérer la vie avec les reculs de particules du genre des... Jean Duprat, oui ? Oui, mais quand même, par rapport à cette idée de rechercher d'autres civilisations, enfin des traces de mort, c'est dur de dire que c'est impossible. Non, encore une fois, notre planète est très ancienne. Mais quand même, si jamais on prend... Bon, d'abord, la première chose, c'est que notre planète... Comment dire, elle est vivante, c'est-à-dire que sa croûte est resetée au sens elle est mobilisée assez souvent, donc on perd aussi la mémoire d'un certain nombre de choses. Mais quand même, notre planète a été extrêmement explorée. On a quand même regardé les roches, on a regardé, on est allé à peu près partout. Les glaces, bon. Bon, je vous donne mon sentiment, mais si jamais il y avait eu une civilisation, quelque chose sur notre planète, encore une fois, au cours des 4 milliards d'années avant nous, je pense quand même que raisonnablement, on en aurait vu des traces. Donc, le plus probable, hein, ce qui me paraît, c'est que pendant 4 milliards d'années, ou un peu moins, enfin 3 milliards, il y a eu de la vie sur Terre, de façon avec des bactéries, puis des choses plus complexes. D'ailleurs, la vie n'a pas forcément vocation à devenir plus complexe. Et quand même, si on regarde ça, si on regarde ce que nous savons de ça, quand même, pendant l'essentiel du temps, il s'agit d'une vie qui peut être même foisonnante, mais qui est, du point de vue du paradoxe de Fermi, totalement silencieuse. C'est-à-dire, on peut envisager qui est invisible. Et ça ne veut pas dire qu'elle est pas... Enfin, elle est bien sûr extrêmement intéressante. Et en plus, elle est, il y a une autre chose quand même qu'on a dit avant, c'est qu'elle est très proche de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas une vie radicalement différente de la nôtre. Elle est très très proche de nous. I am the Martian ambassador. We come in peace. We come in peace. We come in peace. We come in peace. They came in peace. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Alors, un mot tout de même, Jean Duprat, sur cette invisibilité de traces de vie qui seraient en plus anciennes et donc pas en mesure de communiquer comme nous le faisons aujourd'hui, etc. On parle beaucoup aujourd'hui, pour les années à venir, dans la recherche d'exoplanètes, de détection de biosignatures, c'est-à-dire finalement de quelque chose, de lecture d'une atmosphère, de traces de dioxyde de carbone. Enfin, ça veut dire que ces formes de vie-là, elles ne sont pas tout de même complètement silencieuses. Oui, au niveau biochimique. Voilà. Alors ça c'est vraiment probablement un des points. Il y a plusieurs points dans le paradoxe de Fermi ou disons cette question-là, sommes-nous seuls, où effectivement on peut penser que là dans les années à venir il peut y avoir des progrès assez significatifs qui peuvent être faits. Et un de ces champs de recherche, c'est vraiment celui que vous venez de décrire, c'est-à-dire donc nous savons maintenant, il y a des planètes qui sont observées autour d'étoiles. Il y a des atmosphères de planètes qui sont observées, déjà. Et les futures missions spatiales et les grands télescopes vont regarder ces atmosphères pour en mesurer la chimie, c'est-à-dire les molécules qui sont dedans. Alors là, par contre, se pose donc le but, c'est de trouver ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire des biosignatures, c'est-à-dire d'essayer de reconnaître dans ces atmosphères des molécules, la présence de molécules qui signeraient une activité biologique sur cette planète. Donc là, ça, c'est très important parce que par rapport à ce qu'on disait avant, il ne s'agit pas là de détecter un signal d'une vie qui essayerait de nous parler, il s'agit de détecter la présence passive d'une vie comme qui... Comme dans une enquête policière avec de la fluorescence. Exactement, voilà. Alors, le point avec ça, là, c'est que c'est probablement une des choses les plus intéressantes qui va se passer dans ce domaine-là dans les décennies à venir. Ceci dit, à l'heure actuelle, il n'existe pas de biosignature claire. On n'est pas capable de dire, voilà, si nous détectons ça, cette molécule-là, ou cette combinaison de molécules, nous pouvons, avec une certitude raisonnable, dire que la planète est habitée. Ça, on ne l'a pas encore. Les quelques molécules pour lesquelles nous on pourrait qui seraient des biosignatures très très fortes, elles sont à des concentrations tellement faibles que ça c'est pas possible. Par contre, donc il faut pour l'instant, on va regarder, ce qui va être regardé par les chercheurs qui font ça, c'est des molécules relativement abondantes dans les atmosphères. Et là, il n'y a pas de signature claire. Par contre, il y a quand même une chose. Par exemple, l'oxygène, le dioxygène. Donc l'atmosphère que nous respirons actuellement sur notre planète, elle est en très grande partie, elle a été radicalement modifiée par la présence de vie sur Terre. C'est-à-dire qu'avant que la vie n'existe sur Terre, l'atmosphère de notre planète était totalement différente. Essentiellement, il y avait beaucoup de CO2, mais très très peu, voire pas du tout d'oxygène. Et en fait, c'est la présence de vie qui a, là, de ce point de vue-là, du point de vue du changement, enfin des changements climatiques, la vie a radicalement modifié notre planète, en injectant dans son atmosphère des doses massives d'oxygène, de dioxygène, qui a totalement changé la planète, puisque ça l'a rendu habitable. Voilà, ça a permis d'autres minéraux d'apparaître. Et donc ça, effectivement, par exemple, cette signature-là est une signature qui fait partie des premières qui seront recherchées. Ceci dit, comme toujours dans ces problèmes complexes, il existe des alternatives à la présence de dioxygène. C'est-à-dire, il n'y a pas que la vie. C'est possible que d'autres phénomènes puissent produire du dioxygène. En un mot, pour conclure cette émission, peut-être aller une sorte de pronostic rapide. Qu'est-ce qui vous semble le plus probable dans les années à court ou à moyen terme? Une biosignature justement autour d'une exoplanète, un signal, une trace micro-organique dans notre propre système ou rien du tout? Le silence des profondeurs froides de l'espace, Gabriel Chardin. Je pense que si on faisait une mission qui allait voir l'un des deux satellites dont on a parlé tout à l'heure, on pourrait avoir pas mal de chances de voir des molécules organiques. Après, de la vie, c'est espéré peut-être un peu beaucoup. Sur Mars, c'est pas tout à fait exclu. Ça a l'air quand même un petit peu ancien. Mars pourrait être quand même une des voies. Où on pourra avoir une fenêtre. Mars est un peu trop léger, donc on a parlé, quand c'est gros, ça garde même l'hydrogène et l'hélium. Et puis quand c'est pas assez gros, ça perd son atmosphère. C'est le cas de Mars. Donc pour vous, Mars peut être la meilleure candidate finalement, alors qu'on n'y croyait plus peut-être. J'aurais plutôt cru à celle qui est dans des océans. Ouais, Europe et Encelade. Et pour vous, Jean Duprat? Mais moi, je serais plus mesuré sur Mars, au sens où c'est peut-être possible tout au début. Mais bon, après, il faut du temps aussi. Il faut des traces. Alors, après, je serais assez, moi, plus prudent là-dessus, au sens où, si on prend les années 60, par exemple, il y a des grands scientifiques qui disaient la question de la vie va être résolue, c'est pas vraiment une question, il suffit qu'on se pose sur un astéroïde et on trouvera la réponse parce qu'il y aura de la vie. On a montré que c'était pas le cas. Vous êtes plutôt allez, pas pessimiste, on va dire réservé. Très réservé. Tous vos articles, Gabriel Chardin, Jean Duprat, Roland Lehoucq, Mathieu Agelou, Alexandre Delegue, c'est dans Où sont-ils les extraterrestres et le paradoxe de Fermi, au CNRS Édition. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomei, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Villefranc, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Louis Deloncle à la technique.